Bandeko ya bolingo ezali ngai moninga na bino le reverend pasteur Jacques Dinapanza. Bandeko soki na ye lisusu devant bino ezali uniquement pour na pesa bino message d'amour. Ezali message ya kandate mais un message d'amour. Bandeko Nzambe apambola bino partout bozali bino tozolanda ngai. Po yende muta renouveler ba souffle na biso. Ya ba famille na biso, ya ba mi na biso, ya ba camarade na biso, ainsi que ya ba ennemi na biso. Donc, tika apambwama. Bandeko nangai, nazolo balelo pona 24 sœurs en Christ. Oyo, batambulaka na mama olangi, 12 à droite et 12 à gauche. Ndeko nangai, soki yo ozali na ndeko, aza parmi bato ngazolo bawana. Et sengeli koye bisaye a kite eglise wana a luka ba vre basali na nzambe po abonde la pona bango. Tangu yo ozali neti garde du corps ya mama olangi, eza neti oza garde du corps ya satana. Parce que mama olangi azaki servante ya satana, azaki servante ya nzambe ti. Nazo continue na kula kisabino quelques preuves. Alors bande kunangai, tangu mama olangi asala ki ministère na ye, Satan alobaki na yeboyi. Bakotinde la ye, basi nyonso babota kate, groupe ya basi babota kate, bako ya epa na ye, Satan kofungula bango, e bako bota. Yangona bandeko nga bomona ki groupe aliboso ki nga pa ma olangi, basi babota kate, preske bango nyonso wazoka bazemi. E suka nango, deuxième groupe so ki ndaka, deuxième groupe wana ikendaki la plupart bazoki bazemi pe babotaki. Bango wana siko baz, bimaki pona kosala ba témoignage partout. Ti baba nao le kala ba video na makamebele. Alors, tango basalaki ba témoignage wana. Esenga ke ministère ya mama olangi ekoma na bato ebele. Baba nao le kala ba bande video a minene kosala ba témoignage. Batu bazako somba yango, batu bazako kende. Efe de kon troisième groupe, siko ezalaki kamwa pasi, po bango nyonso bazemi, pe babota. Ezalaki kamwa pasi, ndeko nangai, po bazo bazemi, pe babota. Bamusu bazwi, bamusu bazwite, apre bayo cha stop. E komaka bako ya mem 500 mwa, lemsu mwa waka, lemsu kwa ade. Ayoko pesa bango siko yo, bakuru ya komba spirituel, banu kaka bazemi yango, na bamwaye wana. Ndeko nangai, ezala mwa pasi, oto bengi pasi ya pasi. Alors, nazako senga na ba mama wana, ba sede en Christ parmi le 24, soko zana katia groupe wana, ndeko bima. Soko bimate, etali yo biso basali na nzambe musana, biso ko prevenir, bino, na komo na yeso. Est-ce que selon yo nengo zala ki na mondo wana, est-ce que pa pratiko wana existaka ou pa? Oui, ma pratique on a existé. Dans mon baye na matanga, tout monde va autorité nous soya mboka. Même le premier ministre était là. Mais yengolo matanga azala kite. Ah bon? Azala ki wapi. Et ça nous faut la déshonorer par inviter na yo au baye ko rendre. Mon baye na yo le dernier hommage. Azala ki wapi. Tant que je suis dans la dernière demain, on va trouver un bon mausolée. Azala quitté. Baye Bissabiso, Azala qui wapi. Deux jours après, ça voyait au approuvé. Baye Bissabiso, c'est quand même maman la Azala qui. Deux jours après, tu es au cacao, maman la qui a piqué crise à couvrir. Mais tu sais, voyez que c'est bloqué. Bilo, quoi, les mamans, en tout cas, la crise cardiaque. Comment vous comprendrez-tu? Bilo, quoi, les dédoublements. Bilo, quoi, les mamans, en tout cas, la crise cardiaque. Pourquoi vous comprendrez-tu? Bota la basse, la zabe, mingi, vous comprenez, maman, la mingi, la basse, la zabe, mingi, va couvrir quand la crise cardiaque, la crise cardiaque, la crise cardiaque. Pour que l'État de Nigeria, vous ne roulez pas, vous ne pas. Tout ça expliquez nous maintenant pourquoi vous comprenez la beauté, vous voulez qu'on comprenne l'idée. Bah dédoublement n'a sens ni nous. Vous comprenez? N'a sens ni on ne comprend pas trop bien. Tu vois? Alors bandeko ngai, oh wana boyuti kolanda ezali mungongo ya docteur Wapiti. ye ayebi ba pratique wa ndenge zalaka yango nande aza ko expliquer bino mende kunanga bana na bana nzambe nde tembeleki toza ko loba toza ko prêcher mais pona ko yoka nde eza passé nde kunanga yi Satan c'est le père du mensonge. Satan c'est le c'est un menteur selon l'évangile de Jean 8:44. Bande kunanga sur les 10 commandements, commandement liboso elobi je suis l'Éternel ton Dieu. Yami balé elobi tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Bino bokoma lelo nzambe wa ya olangi nzambe ya papa olangi tout ça ndeko boza ko boma ba 10 commandements oyo nzambe ye moko aloba peza na kati ya Bible. Ndeko nanga bona na ka Bible, bona na ka parole. Ko landa makamwa batu susute et surtout batu bauti na monde des ténèbres. Ndeko yo mutolo ba nzambe ya mama olangi, nzambe ya papa olangi. Na Jérémie 17 chapitre 5. Non, chapitre 17, Jérémie chapitre 17 verset 5 à 6 et le Bible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Verset oyo eza pona biso ba sel na nzambe te. Verset oyo etali ba sataniste banganga ba voyant et consort parce que batu wana baza batu satana. Verset oyo ezoloba yo otiki nzambe yo otiki ba sel na nzambe oza ko kende ko se confier pa ya satana oyo aza mutu na yo te. Mama olangi aki servante ya nzambe te, mama olangi aki servante ya satana yango no zomona kuna bato bazoko kufra ninga osakana te. Bande konanga verset on apesi bino ya Jérémie 17 5 à 6 bokotanga suna psaume 118 8 Esaïe 22. Bande konanga yi so bazopesa bino ba verset esengeli botanga ka yango botika ka yango te, il faut otanga ba verset to zopesa bino ndeko na kotela bino susu voix ya esclave ya mama olangi oyo pe boko yoka abanakozo wa mama olangi nzambe. Alors que Bible zolo bake ngai mutulaza nzambe na yo oko kumisa nzambe mususu te. Tokolanda toka ye pepe kongole inetile ya ko soki boyoki likambo foli na ofungola matoi mama olangi auti kotika biso ezali vrai ezali ya solo. Ngai komo na ngame se Elonga Albert nazali membre ya limete awa mamolangi ya kilobi na 23h mamolangi asala ki crise cardiaque mamolangi akufa kilobi na 23h to bongisi to kende kotika ye na morgue to bi non mamolangi alobaki mokola kokufa to zela ti tongo bongo to kende kotika ye na morgue to landi parole a moweyi pendant 23h to bandi kosala ba priere tina 7h du matin mamolangi alamuki asekwi mama naozokoyebisa bino ezali ya vrai mamolangi asekwi ntango mamolangi asekwi biso tokima me priere alamuki mpena telemi tobi mama nini biso tokomokanga bato zoba priere ezotoka tobi mama ufaki abi papa na kufaki oyo nazoyebisa bino ezali vrai mpona azali awa ezali vrai mama olangi na minute aza ya kokufa aza mutakufi mpona konfirme nunoke osekwa ya mama olangi ezali vrai eza mpe ya solo ntango mama olangi asekwi alamuki tobi mama nini message ya mama alobi ke auti kozala na ba David Seigneur Jésus Christ na mobali na ye papa olangi na Jésus boye bavandi abi mama yo amutu fozonga kende kopesa témoignage oyo na bana Congo bazali kosufrir kende na yo oye afo ozonga lamuka kende babi bazongisi ye ok Jésus ntazozongise na mobali na ye papa olangi témoignage mama olangi azoloba na biso tout ozotala alobi bazongisi nga talaka mbamo yango na bimi afumuli miso ata mbamo amoni batu bazolela bamisu bazosambela alobi ke témoignage Jésus a dit au peuple sabiso au peuple congolais tout le monde na bouumbu donc 10 décembre tout le monde na bouumbu à l'obi na peuple congolais boye machine électrique y a voté tout le monde yango te pour ezali tricage na na batrika ki yango na Joseph Kabila ok na quelques minéles ezali tricage témoignage au batinde ya kolibisa peuple congolais ali bobo ya machine électrique et machine à voter bobo ya yango lo batinde ki yango le témoignage ya mwana. Le nom de Tolba Penaki Mamola Nakofia solo, Anere Bomie. Le Yuto Bomaïsiko, Anere, Bomaki Naver, midi 30. Y'a mon témoignage n'a pas eu de nom de Sabino à moi, puisqu'on est d'abord de Kima. Bandego, Bout Hollanda, esclave et maman Hollande. Alobi. Aner mtebomi mama olangi boyoki ezanga ite donc ba journaliste bayaki bato aner pe bayaki batuni mama olangi ya lamuki ba bien makamuni azoloba ba expliquer makamu mama olangi azoloba ya tricage ba beti masase kufi alors ndeko je ne vous impose pas. Quitte à vous, Oya Lingi, Andima, comme il y a lobby, Andimi, Oya Monika, Andimate, Togo Loba, et l'homme soustait. Ndeko, troisième commandement, na ya Bible, balobi, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Ndeko, kombo ya Nzambe, ko sakana yango te. Ndebozo sakana yango pampamba. Bible, ça interdit yango. Ndeko, ngai na ebisa kabino. Boyebi ke mama olangi aboma batu na ba jeune. Nga na prêché yango combien de fois? Pona yebisa bino ke bande ko na ngai. Na yebi ba verset nyonso ya jeune na kati ya Bible. Ezala ya Ancien Testament, ezala ya Nouveau Testament. Jeune ya 40 jours à sec na Bible zate. Olia te na butu, olia pe na moite eza recommandé te. Mutasala jeune ya 40 jours. Mutumoko alia kite ni lipa ni mai ezali Moïse. Jeune wana eza recommandé na bana nzambe te. A part Moïse, mutu soa zate. Na yebi ke boko lobilanga batu mibale, me bozana erreur makazi bozana erreur te bozana faute. A part Moïse mutasala ka jeune ya 40 jours na banzi monda te zola ndangai. Il y a 40 jours, nuit et jour, sans colis, sans maïs, sans lipa, et Moïse. À part Moïse, Moutoumoussou, Azate. Ndeko nangai, Bible, lui, sur 2 Pierre 1, 20. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet de l'interprétation particulière. Ndeko nangai, yo yebi na yo verse ndenge ba elobelite. Yo kamati yo banduko bongo la ona ndenge ya yo après aller. Ok, me mochia ona yuti monda tche elanda yango alote batu na perdition. Na perdition. Ndeko na ngayi. Boza na sataniste mususu awa wana Brisel. Ye petan wayaka atangi verse mkweza na Bible balobike Nzambe azalaka na banda kwe tongami na maboko abatu te. Yé le kola sala petit biblique te, a yé bi pe makamwanzambe te, aza enseigné te, alomi na binom balamoko, bobi mane beglise wana, nzambe zala akuna te. Alors que verse wana e parle aki makamu eglise abatimate. E parle aki makamu mousou, explication na mouza makamu mousou. Nako leka mkono mousou pona explique binom ango. Ndeko, ngay soukou na yiko explique li kabwa Bible na tche verse, moutou ayaka te pwa contredire ngay. Parce que ayebi ke soko ayepa contredire ngai na ko répondre ye et soki na répondre ye et aux amalamu te na répondre na kandate mina ramena ka mutu na bible ba kimisi batu mususu na ba église abatima balobi ke bible mutelo binde ngwana abosani ke ya ce qu'on appelle l'église universelle et l'église locale ayibini ngote alobika église esili alors verset on a pesa ki batu ezeki verset ya église universelle eza localité yemo ba yebite yo pel ko yebite olandiye obimini église abatima. Voilà ba dikona ngai. Alors mutu oyo a pesa ki mino verset wana o alobi na bino obimani église abatima auta ki wapi ndikona ngai. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce qu'on a dit, Moutongo, yépe sataniste, aouta ki ouli abat, aouta ki na monde ténèbres. Ndeko nangayi, bozo salaka, ba péché nini. Obin bozo salaka, ndeko nangayi. Yako ndima moutu, nyon soye ka kabandiko te ya yo, obandiko ndima ye, obandiko exécuter ba parole o yalobi, alors ki yemo pa yibina yete. O yem pete ke, soki satan mouta tindiye, ayako bimisa binou na beglise. Toujours dans verset. Il est de notre responsabilité de nous attacher à la parole de Dieu, tout particulièrement à ses promesses, pour parvenir à vaincre notre adversaire qui est le diable, selon 1 Pierre. Chapitre 5, verset 8 à 9. Ndeko nangai. Ce qui n'appelle pas verset biblique. Et que la malamu ndeko nangai. O luka, o vérifier, o tanga, o yebasu na lobinini. Résister contre les plans de l'ennemi. Nous devons résister contre les plans trompeurs. Mes chers frères et sœurs, résister veut dire endurer. Ou encore persévérer durant des conflits de longue durée. Il faut persévérer, ndeko nangai, kozonga simate, ko pesa nzoto pa na bangote. Ndeko nangai, frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans le combat avec Satan et avec le monde. Le combat est invisible et éternel. Ndeko nangai. Tant que yo yambi Jésus Christ comme sauveur, comme Seigneur et sauveur, yebaka kende ko yo koti na bitumba moko oyo ezali timkolo yo okufa. Satan ne lâche pas facilement sa proie. Oh ndenge nini ngai nazo bikate ba délivrer ba le bele ndeko nangai ozana o délivrer o wone zo landaka yo eza ba oppression ya Satan alingi a faire voir yo koza délivrer te mais persévérer dans la prière yango na 1 Thessaloniciens 5 17 babi prier sans cesse. La Bible ne dit pas de manger sans cesse ou de parler sans cesse mais de prier sans cesse. Munguna ndeko basaka na ete. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Togotanga na Bible na 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. Bible nous a dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ndeko nangai, Bible ezo koloba na yo. Nani ezo koloba na yo ke sataniste oyo na mateya aza ya Nzambi. Nini mtu ezo koloba na yo? Nani mtalobi na yo ke sataniste wa lobaina bino ke bobima na babatima aza ya Nzambe. Nani mtasoloba na yo? Bible lobi na yo déguisement. Ce sont des gens qui se déguisent en chrétien. aye abani ko finga satana aye abani ko loba ba pasteur ba ko sa kabino ba pasteur ba sa raboye bo pesa ka ba dimité bo sa ka boyete abosa ni ko loba na bino ke bango na monde ateneb ba pesa ka dim dim na bango za kanini ko lia bato voilà dim na bango mais ya bombia ko boy ko hepsa yo aye bo pesa ka ba dimité bo se makate bo sa ka boyete pona boye kuna na bango na monde ateneb pa ya uti auti ko pesa dim et dim na bango eza nini mutu neti yo akufa voilà dim na bango pesa akuna mais abomini bino alobi kenga na ida na vérité abinga na ikolo bino vérité ba passer ba ko saka bino mate ya kote ya yebite mais abosa ni ko yebisa bino ke kuna bango dim na bango yali ko pesa ko sana ka ba seste na bano bango ba boti ba dim na bango angwana c'est vrai que biso ngana te yaka ngo naza parmi les deux ou trois premiers on a le baque biso to ko kote ya kadimité parce que ba potre ba te yaka dimité ba potre ba pesa kadimité pe ba senga ba tu ba dimité yangwana ngana te yaka ngo peke to ko senga dimité ndeko me dim eza la bible eza na ancien testament ngana za na sele muso en christ akimanga parce que ngana ba kana ye ko pesa kadimité Yalo bina nga te, pastel nga dim, e fongu nga banzele bele. Nga nga pesa ka nga yi. Alo mwe pa nga kene pa etu nisilas. Voilà. Alo bite nga dim nga yi, e fongu nga banzele. Me eske mama wana wako pesa dim kuna, eske apeshe? Apeshe na yete? Ye boye bisa nga suko apeshe. Apeshe na yete? Yalo bina kupesa na ye. Apeshe na ye. Me apeshe na yete? Biso apeshe yango ke, kupesa te, me fongu seme. Yalo bite nga nga kupesa ka dim. Ndeko nangayi. Toye baka tangu yo olobike. Oye na verite. E verite ango pe loba yango. Mendeko nangayi fosa la kana mayele. Fosa na keba keba. Paske Bible mute lobina yoke. Bato ba ye ba uti pa ya mute okuna. Ise son degize. A kretye. Nenge tata na bango. Yo siko yo baniko na damate ya na ye obaniko sala peche obaniko commettre peche de participation obaniko menacer yo za ya nzambe ndeko na ngai olingiye po baniko finga ba pasteur oyebi miso sata tindiye nani ayebi sio ke ya ndwe kuna muto ngona ni tayebi sio nzambe mtayebi sio ndeko fo sala très attention na mate ya bozola ndaka na bato binozo kumisaka Muto ya uti ko lia batu ndeko na ngai mema ina repentance motema na ye ko zonga lisusu ndenge zalaka libosote motema oyo makile sopana kina kati ako ko zonga susute mes chers frères et sœurs dans le Seigneur il est de notre responsabilité de nous attacher à la parole de Dieu qui est le code de route du chrétien mes chers frères et sœurs en Christ La Bible enseigne dans les livres d'Osée, de Osée 4 et 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple périt à cause de Satan, le diable, mais uniquement par manque de connaissances. Et c'est la clé. La Bible dit, dans les livres de Osée 4 et 6, que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce verset biblique ne dit pas que le peuple périt à cause de Satan et ses acolytes, mais uniquement par manque de connaissances de Konangaï. C'est la clé. Ndeko, Luka Oyeba Liloba, c'est quoi la parole de Dieu? Nyonso est seulement la parole. Na ebandeli ezali parole. Ndeko Nangaï, soki yo lingi obika, Luka Oyeba Liloba, tangaka Liloba, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ndeko nangai nalobaki na bino soki yo ndimi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vous entrez dans les combats spirituels et ces combats et invisible et éternel. Psaume 56, 7. Dans ce combat, l'ennemi te voit, mais toi, tu ne le vois pas. C'est pour cela que Dieu a mis à notre disposition des armes spirituelles pour combattre l'ennemi dans Éphésiens 6, 14 à 17. Nekonangai, notre combat n'est pas contre les sorciers et Satan. Notre combat est contre les esprits invisibles infiltrés dans les corps de nos ennemis. L'esprit wana ekenda ko vanda na ba nzoto ya bato biso to koto ya ka oto zaka na bango l'air nyonso. Yango wana bandeko boyoka ki Jésus Christ alobaki na Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et tant où il y a lobby que les gens de ta propre maison, ils ont nini, ils ont famille na yo, ils ont ba camarade na yo, ba to quartier na yo, et pa yo ke ndeki na moziki, ba tu yo koto yaka, et pa yo kanka monoko toki na kolobi la bango makamu na yo, makamu libala na yo, makamu famille na yo, bango wana nde mutu bako maka benemi na yo. L'homme aura pour ennemi les gens de ta propre maison. Balobi na yo te ka tata na yo kaka wo bien mama na yo te. Ta mosu ba mama na ba para na yo te. Ba mama na mama na ona papa na yo te. Mais e pa yo bimaka. E pa yo kendeke. E pa yo lo ba makamu na yo. E pa yo angwana nde ezalaka kamwa pasi. Alo bande ko nangai. Na zane loko moko pona kosukisa na koki kotie la bino lisusu na yebite soki moko yoka yango. Alors, Bandeko, je crois que Bandeko, Nazako Lukayango, mais je crois que Ezaku. Bon, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, la pratique on existe. Quand vous voyez la matanga, tout le monde va autorité nous soya mboka. Même le premier ministre était là. Mais il y a un matanga à Zala quitté. Ah bon? À Zala qui wapi. Et ça nous faut la déshonorer par inviter la yo au baye pour rendre. Mon bali na yo le dernier hommage. Azala ki wapi. Dans mobake na mobali na ye ta dernière demain, on va tomber ya mon mausolée. Azala ki te. Baye bisabiso azala ki wapi. Deux jours après sa voyage dans la Nigeria moko no landa bango boyeba. Toujours expliquer nous makambo pourquoi vous comprendre en beauté vous ligne comprendre été ma dédoublement na sens ni ndo vous comprendre na sens ni on ne comprend pas trop bien tu vois et comment la qui serviteur mon soi ça lui en soit 10 ans on a la table na soka moi si na la lalisier ton tandier un grand ya bébé Nicolo ton tindi a que coûte la nzambi les raisons maka a comme comme na makambo clair c'est faux. Wale safa loba bien bisika ni natinda ka mwasi na ye tamo alali saka ye atandie dra ya pembe atinda ka ye wapi. Ce n'est pas moi qui le dit. Oui, moi j'ai vécu ça, oui. Il a dit ça en présence de tout le monde. Alors ya ye bisabiso tamo ya alali saka mwasi na ye atandie a fini ki dra ya pembe atinda ka mwasi na ye wapi. Atinda ka mwasi na ye wapi. Alors ba bisika atinda ka mwasi na ye. On se dit, moi, si n'aïe à Zongi, à comme commune, ma gambo clair, à Tinda, à moi, si n'aïe wapi. Yamon, on a posé la question, moi, non, pas y'a une seule, c'est comme maman la gazala, car à Palamo, quand y'a au Koufan, n'est-ce pas? Oh, un souci, mais non, oui, moi, passé. Elle n'a pas fait de souci. Mais je te l'ai dit, souci, c'est la gamba, il faut annoncer mon Koufa, au moins, mon tapis, crise. Oui, moi, après. En plus de cela, elle est passée à la télé pour dire quoi? Mon bali n'a pas prouvé, tu que n'a pas compte plein, a dit que l'ingé belé y'a bongo. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut tenir des langages comme ça en public? C'est triste. Vous comprenez? Alors, Bandeko, Boyoki Nenge, Docteur Wapiti, a outre soupisa, pour na moi si ya Walesa. So kingai moukongo na lobi ke Walesa azamusa na nzambete, bolobi a, c'est du tribalisme. C'est du tribalisme. Donc, on a za moutou oyo na lingi baninga na gaite. Ndeko, oyo azo loba wana Wapiti azamu luba. So ngai mtu lobaki ango ate za tribaliste banuko lobaka mbo boye tout ça mais oya lobi wana nde kuna ngai azan ngai te azali muluba bande kuna ngai ngana yemba kapata wale sawa te bagana awawa o papa na kindai kuna kwesinga nombre de fois boye mele kote na sala ki boye lokote ba pesi mino mate ya nini o te kaka miracle siko ye wana wapita zolo bake alali saka mwasi na ye ache yesu ni dra pembe su kindeki nini Ake wakuta na nzambe, tango wakuya abaniko luba makambo. Me mande kuna ngayi. Ifo balo bana yo ke aza sataniste. Fwe utara mnoko nabiso, yo mkwa kwa komprandre te. Sirtu ki tribalisme za kubuma. Parce ko za muluba, bako luba nyo supona walesa, ulinko yo kate. Po yo po za muluba, uliko yo kate. Balo bina yo ke, keba. Toloba ke bela wapona mama olangi, bulinko yo kate. Nde kuna ngayi. Bino mwazo kendeke kuna umema mwana obo wazane na kindoki te, okuma kuna baba pesi kindoki. Mwazo kufifle makamu ibele. Bande kuna ngayi, paya walesa, azana pastel moko kuna isamblereke azaya koka. Na ute kwa sona mwana mwasi moko safe 3 ou 4 jours, aepse inga ke, bapese ke pastel una koka pa bondi lakapuna ye. Nde kuna ngayi, Koka a cause la pasteurité. Ndundu a cause la pasteurité. Mutu soka za lobomo mukuse lobomo mulayi a koki cause la musala nzambe te. Mutu moko soka za lobomo mukuse lobomo musumuya mulayi a koki koyemba banzembo nzambe te nde kuna ngayi. Siko boni ba verset biblique na kobimisa ba verset biblique. Koma nzambe azwa koka apesa e bible akende kote ya na Bagdad. Ce qui guerrier a koki maté comment nzambe acha mutu misa piboye comme ça son inkolia il faut gumba mutu ce qui tikote ni pozo ka musuni musal nzambe comment nzambe acha musal nzambe aya na velo ti abana kote ya kabino mais dit donc bana nzambe abuza musika musa musika ngana age oyo ngana ko tika na ye na fana nda kuna ngapi pana zabu ye na banda usama kama nzambe lukuta mais non ndundu akoza musala nzambe te soki